notre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas. J'irai pas me coucher. J'irai pas au SNU. J'irai pas. J'irai pas à votre Facebook. J'irai pas au SNU. J'irai pas à votre enterrement. Et salut, on est le mercredi 4 octobre, il est 17h04 et vous écoutez Radio Dio 89.5, vous êtes dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste tous les premiers mercredis du mois. Et ben bienvenue dans cette émission, on va parler de plusieurs choses et on va faire un petit retour sur la manif du 23 septembre, la marche pour un monde sans armes nucléaires, dans lequel on a pu prendre un peu de son. Et ben voilà, elle se rassemblait à Lyon pour marcher jusqu'au poste de commandement atomique de l'État français. Le poste de commandement qui décide ou non si les bombes atomiques sont lancées. Et donc, il y avait un peu plus d'une centaine de personnes au départ de la marche et quelques prises de parole dont on a pris du son et qu'on va passer peut-être tout de suite. Alors attention, le son n'est pas hyper bon, mais bon, on va se concentrer et écouter un des premiers enregistrements. Le voici. Il y a parmi nous quelques vieux qui, il y a plus de 50 ans, ont participé à une marche vers le Mont Verdun pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. De quoi s'agissait-il? Eh bien, en 1967, il y a eu un groupe d'anciens soldats qui ont renvoyé leur livret militaire pour protester contre les armements nucléaires. Un groupe de soutien s'est créé autour d'eux. Ce groupe s'est appelé le groupe d'action et de résistance à la militarisation. À la charnière des années 1960-1970, il y avait un centre de commandement nucléaire à Taverny, dans la région parisienne. On a décidé de construire un deuxième centre de commandement au Mont-Verdun. Et c'est pour ça que le groupe d'action et de résistance à la militarisation a décidé de se mobiliser et d'organiser des manifestations au Mont-Verdun. La première action qui a été faite, c'est un groupe de militants qui s'est introduit à l'intérieur du Mont-Verdun la nuit du 30 janvier au 31 janvier 1971. Et ces militants habitants se sont introduits et ont attendu tranquillement de se faire arrêter. Et bien entendu, cela a fait beaucoup de bruit dans la presse au niveau national, pas seulement lyonnais. Quelques mois plus tard, en juin 1971, a eu lieu la première marche de Lyon au Mont-Verdun. Nous étions un peu plus nombreux aujourd'hui, c'est-à-dire environ 4000 personnes. Ah ouais. Donc, je pense qu'il faut que nous nous interrogions sur l'absence de tous ces gens, bien sûr, un peu de performance. Mais où sont les jeunes? À ce moment-là, à ce moment-là, je vois qu'il y a des bras de système, mais il n'y a pas de bras. À ce moment-là, il y avait une mobilisation importante sur tous les sujets militaires, parce que nous étions rassemblés contre les quartiers militaires, qui étaient rassemblés en faveur de l'objection de conscience, des insoumis, des déserteurs, et contre la militarisation de manière générale. Un an plus tard, à nouveau, une nuit du 30 au 31 janvier, cette fois-ci donc il s'agit de 1972, un groupe de militants du GAP, groupe d'action et des militants de la militarisation, est à nouveau introduit clandestinement dans le poste de commandement militaire du Mont-Verdun. Cette fois-ci, grâce à la complicité d'un travailleur du chantier, qui avait fourni à laisser passer, qui a permis de faire de faux laisser passer pour les introduire sept militants qui se sont installés au centre même du poste de commandement militaire, nucléaire, pardon, et qui se sont laissés photographier tranquillement. Le photographe est ressorti pour montrer à la presse ses photographies. Et bien sûr, ils ont été à nouveau arrêtés. L'année suivante, la nuit du 30 au 31 janvier, il ne s'est rien passé. Évidemment, les militaires nous attendaient, mais bon, on ne sait pas, on a donc fini. Par contre, quelques mois plus tard, en 1976, toujours, eh bien, il y a eu, pendant un certain nombre de week-ends, un camping sauvage devant le Mont-Verdun, bien sûr, pour continuer le combat. À cet endroit-là sont venus un groupe d'Amérindiens. Parmi eux, ouais. Il y avait une petite c'était une comédienne, donc amérindienne, que Marlon Brando avait chargé de venir recevoir à sa place l'Oscar qu'il avait gagné à propos du film Le Parrain. Et non pas. Donc il y a eu ce groupe d'Amérindiens qui est venu au Mont-Verdun et qui a fait une conférence de presse pour dire que le combat contre les questions des terres des Amérindiens et le combat du Mont-Verdun étaient liés et qu'il fallait donc le mener. Et après ça, ce groupe est parti au Larzac toujours pour la même raison, pour soutenir une lutte anti-militaire. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus parce que je pourrais raconter, on a fait un livre, donc je vais gâter si vous voulez. Voilà. Merci beaucoup, on va marcher maintenant pour le Mont-Verdun. Bon alors on pourrait croire, avec cet enregistrement, on pourrait croire qu'il pleuvait, ben non, c'est juste l'enregistrement qui est vraiment pas terrible. C'était une très belle journée le 23 septembre à Lyon, il a fait très beau et du coup les gens qui étaient sur place ont pu marcher une dizaine de kilomètres jusqu'à ce fameux Mont-Verdun. Donc on comprend que la marche qui avait eu lieu auparavant, donc 50 ans avant, comme il disait le monsieur, 50 ans avant, la marche qui avait eu lieu avait rassemblé à peine plus de personnes, c'est-à-dire 4000 personnes. Alors que ce jour-là, le 23 septembre, c'était plutôt une centaine de personnes qui étaient rassemblées à Lyon. et qui sont allés marcher jusqu'au Mont Verdun, jusqu'à ce poste de commandement. Mais voilà, c'était une bonne journée, c'était une belle journée ensoleillée, et du coup, on est parti marcher, et j'ai fait d'autres enregistrements, dont un avec toujours cette même personne qui a l'air d'avoir en mémoire énormément de choses de ces luttes antimilitaristes du côté de Lyon. D'ailleurs, elle a écrit des bouquins, elle tient toujours des articles sur Internet, sur le site obsarm.info, l'Observatoire des armements, dont on a extrait aussi quelques informations, et j'en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, peut-être un petit enregistrement de la marche. Donc là, c'est pas la pluie qu'on entend, c'est nos propres pas sur les 10 kilomètres à peine qui nous séparaient du centre-ville de Lyon, du Mont Verdun, du poste de commandement atomique. Alors voici cette même personne qu'on entend peut-être un peu mieux sur cet enregistrement-là. Alors tout à l'heure tu racontais l'histoire des envahissements en 71 et 72. Oui. Du pôle de commandement. Oui. Mais à l'époque en 71 il n'était pas encore construit, c'est ça, il était en construction. En effet. Donc la plupart des gens ignoraient que cette construction avait lieu. Le journal Le Progrès de Lyon avait consacré un article assez discret sur le sujet. Okay. Mais à part ça, il n'y avait pratiquement pas d'informations. Et c'est pour ça que le GARM, donc le groupe d'action de résistance à la militarisation, a décidé de faire une action d'éclat pour alerter sur le sujet. Ouais. Et donc c'est comme ça que dans la nuit du 30 au 31 janvier 1971, ils ont pénétré clandestinement, évidemment, à l'intérieur du poste de commandement. Et à l'époque, du coup, il était en construction. Il était en construction. Et une fois qu'il y a eu ce coup d'éclat, une fois que ça s'est visibilisé et tout, il y a eu un premier procès, non ? Alors, il y a eu un procès, effectivement. Donc, le procès a été intenté non pas pour l'intrusion elle-même, mais pour dégradation du bâtiment public, puisqu'il y avait des slogans qui avaient été peints sur les murs. Ok. Ça a permis au groupe de faire une tribune politique un peu à l'occasion de ce procès. En effet, oui, et puis de faire intervenir des personnalités, ouais, qui sont venues témoigner, donc notamment Théodore Monod et Jean-Jacques de Félix qui ont témoigné. Et au cours du procès, il y a également des courriers qui ont été lus et qui avaient été adressés l'un par Jean Rostand, le biologiste, et par Bernard Clavel également, l'écrivain. Ah oui. Et par Robert Buron, qui était un ancien ministre du général de Gaulle. Ok. Et à la suite du coup de ce coup d'éclat, est-ce qu'il y a eu des velléités ou des envies de stopper ce chantier? Parce que du coup c'était un... Non, il n'a jamais été question que l'armée renonce à son chantier. Non, c'était sur notre... Peut-être qu'il y avait des gens qui avaient envie de leur faire renoncer à leur chantier. Oui, mais bon, on a été nombreux quand on a manifesté, puisqu'on a fait, après, entre les deux interventions que nous avons faites, on a fait une manifestation qui a regroupé 4000 personnes. La même que mais celle d'aujourd'hui, hein? La même que celle d'aujourd'hui où on est 50. Voilà, c'est la même démarche et les mêmes objectifs qu'aujourd'hui. Ouais. On n'était pas suffisamment nombreux pour remettre en cause la politique de défense, évidemment. Ouais. Voilà, donc un petit enregistrement de cette marche. Vous voyez, on entend qu'on marche, on entend que peut-être on était une toute petite centaine, voire une cinquantaine. Ça dépend de quand est-ce qu'on compte et de qui compte. Et donc pendant cette marche, on a pu se poser plein de questions, notamment voir avec les anciens quels étaient leurs modes d'action, quelles étaient leurs revendications. On s'est aussi demandé pourquoi en 50 ans d'écart on passait de 4000 personnes qui étaient concernées ou qui marchaient contre l'armement atomique à une poignée, quoi, entre 50 et 100 personnes sur une journée sur le même thème, quoi. Voilà, on s'est demandé Est-ce que l'antimilitarisme s'était pas ringardisé avec le temps, avec la fin du service militaire obligatoire? Et donc, par exemple, cette personne nous rappelait toutes les luttes qu'il y avait par rapport aux soldats qui renvoyaient leur livret militaire, par rapport aux objecteurs de conscience, par rapport aux insoumis, c'est-à-dire les personnes qui n'allaient pas au service, ni militaire, ni civique, et par rapport aux déserteurs, c'est-à-dire les personnes qui allaient à l'un des deux services, ou alors au service militaire quand il n'y avait pas d'autres choix, et qui décidaient de déserter, de ne plus servir, quoi. Voilà, donc c'était très, très enrichissant, cette marche, quoi, et ces rencontres. Je suis reparti avec pas mal de bouquins aussi. On s'est aussi posé la question de cerner la différence entre l'antimilitarisme et le pacifisme. Et du coup, ça m'amène à me dire que peut-être faudrait que je l'invite sur le plateau et qu'on en parle tous les deux, ou alors que je sache comment me servir du téléphone à Radio Audio et qu'on puisse avoir une conversation qui soit à la radio aussi. Un dernier extrait audio sur la fin de cette marche où voilà, on se pose plein de questions, on parle d'actualité aussi, on parle de l'industrie de l'armement. Voilà, j'en passe un petit bout encore. Et dans ce petit bout, on voit qu'on va arriver au niveau des radars, de l'armée, du poste de commandement. Et il va se lancer dans quelques secondes. Et dans ce petit bout, il y a plusieurs voix, on entend plusieurs personnes parler de l'industrie de l'armement. Et ça aussi, on n'en parle pas souvent, mais on peut aussi parler du bilan écologique, parce que, à mon avis, les tapis de bombes à des endroits, dans des forêts, dans des machins, t'as tout éclaté, quoi. Ah bah, ok, les humains aussi, mais aussi tout le... Ah bah, c'est sûr, ouais. C'est tout éclatasse, quoi. Voilà. Ouais. C'est clair, ouais. Apparemment, ouais. C'est 30 000 obus par jour qui sont tirés en c'est énorme. Mais en fait, tu dis... souvent, on parle des anciennes guerres en Europe et tout, mais ça commence à prendre l'ampleur d'une grosse guerre, quoi. Oui. Enfin, pour moi, c'est une grosse guerre. C'est pas juste une escarmouche, c'est vraiment une grosse guerre, la guerre. Ouais. Et en fait, on commence... Et le problème, c'est qu'on commence à s'habituer. Voilà. Ouais, ouais, bon, allez, ça fait un an, trois, ça fait deux ans. Ah, il y a encore un immeuble qui s'est pris à l'envers. Ouais, c'est ça, mais en plus, on voit pas toutes les conséquences. C'est-à-dire que, bon, d'accord, on peut afficher un soutien comme ça en disant on va leur envoyer des armes pour se défendre et tout ça. Mais en fait, il y a aussi les raisons sous-jacentes à ça maintient en forme l'industrie des armements, quoi. Ah bah, oui. Complètement. Du coup, c'est un peu un salon de l'armement. Bah, open bar, quoi. Ouais, tu te dis, mais attends. Ouais. C'est comme un euro saturé. Ouais, en taille réelle. En taille. Mais ça, j'avais une anecdote, c'était sur les Rafales français. Au début, ils ne vendaient pas. Et c'est après les missions en Afghanistan, oui. Les retours d'expérience, qu'on appelle ça les Retex, qu'ils ont commencé à bien se vendre. Parce que vraiment, il y avait des trucs sur le terrain, regardez, voilà, machin, ça marche bien et tout. Ah ouais. Et on voilà. Et sur la gueule. Voilà, ouais, du coup. Ils sont suffisamment furtifs. Ah, oh, ben tiens, c'est quoi cette boule là? Ah, ben on y est. Ben, c'est ça, c'est le radar. C'est le radar. C'est le radar. C'est le radar. Enfin, un des deux radars, il y en a un sur le tour de Sauron. C'est là qu'on va. Un radar qui couvre la moitié sud de la France. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, au niveau aérien, il voit toute la moitié. Il surveille et tout, s'il n'y a pas des obus qui tomberaient. Non, s'il n'y a pas des avions inconnus, quoi. Ok. Non, il faut qu'ils soient tracés. Ouais, donc c'est vraiment un endroit stratégique, quoi. Ah, mais complètement. S'il y a un avion inconnu, enfin, qui ne se déclare pas, quoi, ils envoient les chasseurs. Il n'y a pas tellement d'armes là-haut. Par contre, il y a un plaquet de gradé. Ah oui. Il y a tout le gratin. Le gratin gradé. Et des ingénieurs et des machins, des trucs. Il y a aussi un centre de recherche alors. Non ah, en fait, pas. Non, mais c'est des. Pas. Non, mais c'est des gens au niveau technique. Ils sont... Ouais. On arrivait sur la fin de la marche sur le poste de commandement atomique du Mont-Verdun avec ce gros radar qui, effectivement, apparemment, est capable de détecter n'importe quel engin volant. Depuis du coup Lyon jusque derrière la Méditerranée, quoi, voire jusqu'en Ukraine, paraît-il. Et ben voilà, du coup, ça a initié une marche qu'on pourrait peut-être retrouver tous les ans pour dénoncer cet appareil technologique et militaire. Pour dénoncer aussi, une partie des manifestants dénonçait aussi ce poste de commandement atomique, d'une part parce que, en fait, ils étaient contre la bombe atomique qui soit lancée, une bombe atomique française qui soit lancée n'importe où, quoi, mais aussi d'éviter que la ville de Lyon et les alentours, d'ailleurs, depuis le Mont-Verdun, on voyait aussi la centrale nucléaire du Bugey, donc la ville de Lyon et les alentours, d'être elle-même une cible, puisque. Par exemple, ce radar hyper puissant, en fait, c'est l'œil de l'État français et du coup, ça pourrait constituer une cible si l'État français avait des ennemis. Et donc, évacuer toute la ville de Lyon paraît pour ces militants assez compliqué et même c'est hyper dangereux d'avoir ces armes et ces moyens de surveillance à côté de chez eux. Voilà. Allez, on va changer de sujet et passer un petit morceau, et on va choisir celui-là. Plus que le feu et la mitraille, plus que les fusils et les canons, fondant le monde des entailles, couvrant les morts, les peines et les ballons. Plus que les hommes sont des sauvages, qui réunit la fraternité. Femme debout, femme à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité. Déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans. Tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui nourrit de ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille, souvent sans pain. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité. Déclare la grève des mères, au bout on crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur terre les barrières? Pourquoi l'éternel crucifié? Le meurtre n'est pas une victoire. Qui sème la mort est un maudit. Nous ne voulons plus pour votre gloire donner la chair de nos petits. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité. Déclare la grève des mères, au bout on crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. On est le 10 décembre 1915. Une nuit qui pleuvait à torrents. En mains endroits de la première ligne, les soldats durent sortir des tranchées pour ne pas s'y noyer. Les Allemands furent contraints d'en faire de même, et l'on eut alors ce singulier spectacle. Deux armées ennemies face à face, sans se tirer un coup de fusil. La même communauté de souffrance rapproche les cœurs, fait fondre les haines, naître la sympathie entre gens indifférents et même adversaires. Ceux qui nient cela n'entendent rien à la psychologie humaine. Français et Allemands se regardèrent, virent qu'ils étaient des hommes tous pareils. Ils se sourirent, des propos s'échangèrent, des mains se tendirent et s'étreignirent. On se partagea le tabac, un quart de jus ou de pinard. Ah, si l'on avait parlé la même langue! Un jour, un grand diable d'Allemand monta sur un monticule et fit un discours dont les Allemands seuls saisirent les paroles, mais dont tout le monde comprit le sens. Car il brisa sur un tronc d'arbre son fusil en deux tronçons dans un geste de colère. Des applaudissements éclatèrent de part et d'autre, et l'international retentit. Ah, que n'étiez-vous là, roi dément, généraux sanguinaires, ministres jusqu'au boutiste, journalistes, hurleurs de mort, patriotards de l'arrière, pour contempler ce sublime spectacle? Mais il ne suffisait pas que les soldats refusassent de se battre. Il fallait qu'ils se retournent vers les monstres, qu'ils les poussaient les uns contre les autres et les abattent comme des bêtes fauves. Pour ne pas l'avoir fait, combien de temps la tuerie allait-elle durer encore? Cependant, nos grands chefs étaient en fureur. Qu'allait-il arriver, grand Dieu, si les soldats refusaient de s'entretuer? Est-ce que la guerre allait donc si tôt finir? Et nos artilleurs reçurent l'ordre de tirer sur tous les rassemblements qui leur seraient signalés et de faucher indifféremment, allemands et français, comme aux cirques antiques, où abattraient les bêtes féroces, assez intelligentes pour refuser de s'égorger et se dévorer entre elles. De plus, dès qu'on put établir tant bien que mal la tranchée de première ligne, on interdit sous peine d'exécution immédiate de quitter la tranchée et on ordonna de cesser toute familiarité avec les Allemands. C'était fini. Il aurait fallu un second déluge universel pour arrêter la guerre, pour apaiser la rage et la folie sanguinaire des gouvernants. Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompant les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Alors j'ai lu des bouts d'un carnet de guerre de Louis Barthas. Louis Barthas qui était tonnelier et qui a été soldat pendant toute la guerre de 14-18 et qui a tenu des carnets et qui les a recopiés à la fin de la guerre pour témoigner d'entente entre les soldats ennemis, soi-disant, parfois pour témoigner sa rage par rapport aux gouvernants sanguinaires. Parfois pour témoigner de l'horreur de la guerre, de la mort de ses frères. Et donc, c'est un livre à découvrir, très certainement. Moi, j'en ai lu que des bouts, mais il y a plein de choses à sortir de ça. Et ça m'a fait penser à un autre morceau de bouquin de Georges Darien, cette fois, qui s'appelle Biribi, qui parle pas exactement de la guerre, mais qui parle de l'armée, et plus précisément dans Biribi, qui parle de ce bagne militaire où on envoyait les soldats indisciplinés. Lui, il y aura passé 3 ans, il me semble, dans ce bagne, et il en ressort avec ce bouquin, témoignage du bagne. J'en ai une partie, on va comprendre... Ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai lu un couplet de l'International aussi. Le couplet qui dit... Paix entre nous, guerre aux tyrans. Crosse en l'air et rompant les rangs. Il m'a semblé que c'était à propos après la lecture de ce petit extrait des carnets de guerre de Louis Barthas. Alors là, j'en lis un petit bout et je lis un petit bout de Biribi et on va comprendre pourquoi. Il y a un de ses potes qui est mort, qui a été maltraité jusqu'à la mort par ses chefs à l'intérieur du bagne. Et il dit ça. Ah, pauvre petit soldat, toi qui es mort en appelant ta mère, toi qui, dans ton délire, avais en ton œil terne ta vision de ta chaumière, tu vas dormir là, rongé, à 23 ans, par les vers de cette terre sur laquelle tu as tant pâti, sur laquelle tu es mort, seul, abandonné de tous, sans personne pour calmer tes ultimes angoisses, sans d'autres mains pour te fermer les yeux que la main brutale d'un infirmier qui t'engueulait la nuit, quand tes cris désespérés venaient troubler son sommeil. Ah, je sais bien, moi, pourquoi ta maladie est devenue incurable. Je sais bien, mieux que le médecin qui a disséqué ton corps amaigri, pourquoi tu es couché dans la tombe. Et je te plains. Va, pauvre victime, de tout mon cœur, comme je plains ta mère, qui t'attend peut-être en comptant les jours, et qui va recevoir, sec et lugubre, un procès verbal de décès. Alors la suite de cet extrait, j'en lis juste un petit bout après, je le trouve un peu trop violent, mais j'en lis juste un petit bout, vous allez comprendre. Eh bien non, je ne te plains pas toi cadavre, eh bien non, je ne te plains pas toi la mère, je ne vous plains pas, entendez-vous, pas plus que je ne plains les fils que tuent les buveurs de sang, pas plus que je ne plains les mères qui pleurent ceux qu'elles ont envoyés à la mort. Alors pourquoi il dit ça? En fait après il est vraiment en colère contre le fait qu'on envoie à la mort des humains. Et aussi, en fait, il prend à partie les mères qui ont laissé partir leurs enfants, quoi. Et c'est pour ça que j'ai passé la chanson La Grève des Mères. C'est plutôt l'inverse, ne pas prendre à partie les mères, mais plutôt prendre à partie l'État. Qui envoie, en fait, qui considère les femmes comme des génitrices, de futurs ouvriers ou futurs soldats, comme de la chair à patron ou de la chair à canon. Et du coup, si c'est pour, choyer des nouveaux êtres humains et les envoyer dans les usines de mort ou dans les usines tout court, et ben, en fait. Il va y avoir des femmes qui vont résister, et même historiquement, depuis des siècles, qui résistent à la barbarie. Peut-être que je vais lire un petit extrait de cette pièce qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle Lysistrata. C'est Lysistrata qui parle et qui en a marre de la guerre du Péloponnèse. Au début de la guerre, avec notre bon sens habituel, on a pris sur nous. Quoi que vous fassiez, sous-entendu les hommes, de toute façon on n'avait pas le droit de dire le quart du début d'un mot. Bien sûr, ça ne nous plaisait pas. D'ailleurs, on n'était pas dupes. Combien de fois à la maison on a compris que vous aviez pris des décisions désastreuses. Alors on souffrait en silence. Et on vous demandait avec un sourire, quelle décision avez-vous prise pour la paix aujourd'hui à l'Assemblée? Qu'est-ce que ça peut te faire? Disait le mari. Tais-toi. Et je me taisais. Et lorsqu'on apprenait que vous aviez pris une nouvelle décision encore plus catastrophique, on demandait « Comment pouvez-vous, chérie, agir avec tant de bêtises ?» Et il me regardait de travers et il me répondait « Retourne à ta couture ou tu vas en prendre pour ton grade. La guerre est une affaire d'homme. » Eh bien justement. Lysistrata va répondre « Tout ensemble, d'un commun accord. » À notre tour, à votre tour d'écouter nos conseils et de vous taire, comme nous auparavant, nous allons vous remettre sur le droit chemin. Et elles entament une grève du sexe. Donc ça, c'est Aristophane qui imagine cette pièce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais en fait, dans toute l'histoire, par exemple, André Michel nous rappelle dans son livre « Citoyenne militairement incorrecte » que de l'Irlande du Nord, ou même en 1915, les féministes, pendant la Première Guerre mondiale, se sont réunies entre citoyennes de différents pays considérés comme ennemis, se sont réunies pour faire des discours et des actions contre la guerre, en Irlande du Nord aussi, en Israël, en Russie, en Corse, en Algérie, en Colombie, tout un tas d'endroits où les femmes se réunissaient contre la violence armée, contre le militarisme. Ah, j'ai perdu ma page. Contre la violence armée, contre le militarisme des États ou d'autres groupes armés. Voilà. Le mois dernier, on parlait aussi de féministes russes contre la guerre. Et on parlait de Alexandra Skochilenko, qui était emprisonnée depuis plus d'un an en détention provisoire. Et alors, une petite nouvelle de Alexandra Skochilenko, qui est toujours en préventive, et qui est passée en procès le 15 septembre. Alors, on n'a pas le résultat de ce procès. Par contre, ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que les soutiens qui étaient venus au tribunal pour la soutenir ont dû être expulsés à coups de gaz lacrymogène parce qu'ils s'opposaient à son arrestation, sa détention préventive. Et à l'issue de ce procès qui risque de lui infliger une dizaine d'années de prison pour avoir critiqué l'armée, c'est-à-dire pour avoir collé des petits papiers qui dénonçaient le bombardement de Mariupol au début de cette guerre en Ukraine. Alors j'ai déjà parlé de Lysistrata, j'ai parlé de la chanson La Grève des Mères, et vu qu'on parle des féministes anti-guerre, je vais vous lire leur appel qu'elles ont fait au début de la guerre qu'on peut retrouver sur internet. Mais avant, on écoute une petite chanson du groupe Pussy Riot qui s'appelle « Maman, ne regarde pas la télé ». Посиним небом купольным, свято место не пусто и давно куплено. Ластику власти, З, значит свастика, танки на праздник. Русская классика, пока стариков украшают лентами. Мы становимся иноагентами. Ну груз 200, об этом не скажут вечерние вести. Закончил школу, бери автомат. До 15, антивоенный плакат. Русский корабль, иди нахуй. Танк в болоте, будущее на плахе. Культ победы, как основа основ. Кокаин депутатский с прахом дедов. Серость и садизм, лубянский микс. А для тех, кто пиздит, лаборатория Х. Запад 10 лет поставляет ему оружие. И мимо Российской Федерации. Счета, убийства, приговоры, санкции. Инакомыслие. Независимое мнение. Откуда до Беларусь готовилось нападение? Грохнут не беда, отвалят бабла. Для кого война, а для нас мать родна. Все, дочка, мама любит тебя пока. Красные ногти в земле рука. Здесь без креста чудовищная весна решила настать. Измененная ненужная конституция. Нам пора совершить революцию. Пусть Москва горит, мир на крови. Это не смыть, нечем крыть. Да хуя земли, но забрали Крым. Прости, хотя это не простить. Мама, я в плену, не смотри телевизор. Мама, здесь нет никаких нацистов. Украина, я тебя люблю. Bon, alors la fin est un peu manichéenne, puisque puisque la chanson se termine par Ukraine, je t'aime. Donc, on va lire l'appel des féministes, de la résistance féministe anti-guerre. Il est un peu moins manichéen, parce que du coup, on pouvait objecter à cette chanson anti-guerre qu'elle se déplace d'un camp pour en choisir un autre, quoi, finalement. Et du coup, promouvoir la guerre de l'autre côté, quoi. Mais on va lire ça, peut-être ça rétablit un peu les choses. Alors, il est vieux, cet appel, et les différents groupes de la résistance féministe anti-guerre ont fait pas mal de choses, et notamment dernièrement, elles s'organisent aussi pour payer des amendes d'hommes qui refusent le service militaire en Biélorussie ou dans d'autres pays militaristes, ou en tout cas plus militaristes que la France en termes de conscription et de service militaire. Alors on lit ça. Dans la Russie contemporaine, le féminisme est l'un des rares mouvements d'opposition à ne pas avoir été détruit par les vagues de persécutions menées par les gouvernements de Vladimir Poutine. Plusieurs dizaines de groupes féministes sont actifs dans au moins 30 villes de Russie. Le 24 février, vers 5h30 du matin, heure de Moscou, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une opération spéciale sur le territoire de l'Ukraine visant à dénazifier et démilitariser cet État souverain. Cette opération était préparée depuis longtemps. Depuis plusieurs mois, les troupes russes se rapprochaient de la frontière avec l'Ukraine. Dans le même temps, les dirigeants de notre pays ont nié toute possibilité d'attaque militaire. Maintenant, nous savons qu'il s'agissait d'un mensonge. La Russie a déclaré la guerre à son voisin. Elle n'a pas laissé à l'Ukraine le droit à l'autodétermination ni l'espoir de mener une vie en paix. Nous déclarons, et ce n'est pas la première fois, que la guerre est menée depuis 8 ans à l'initiative du gouvernement russe. La guerre dans le Donbass est une conséquence de l'annexion illégale de la Crimée. Nous pensons que la Russie et son président ne sont pas et n'ont jamais été préoccupés par le sort des habitants de Luhansk et de Donetsk, et que la reconnaissance des républiques 8 ans après leur proclamation n'était qu'un prétexte pour envahir l'Ukraine sous couvert de libération. En tant que citoyennes russes et féministes, nous condamnons cette guerre. Le féminisme, en tant que force politique, ne peut être du côté d'une guerre d'agression et d'une occupation militaire. Le mouvement féministe en Russie lutte en faveur des groupes vulnérables et pour le développement d'une société juste, offrant l'égalité des chances et des perspectives, et dans laquelle il ne peut y avoir de place pour la violence et les conflits militaires. La guerre est synonyme de violence, de pauvreté, de déplacement forcé, de vie brisée, d'insécurité et d'absence d'avenir. Elle est inconciliable avec les valeurs et les objectifs essentiels du mouvement féministe. La guerre exacerbe les inégalités de genre et fait reculer de nombreuses années les acquis en matière de droits humains. La guerre apporte avec elle non seulement la violence des bombes et des balles, mais aussi la violence sexuelle. Comme l'histoire le montre, pendant la guerre, le risque d'être violé est multiplié pour toutes les femmes. Pour ces raisons et bien d'autres, les féministes russes et celles qui partagent les valeurs féministes doivent prendre une position forte contre cette guerre déclenchée par les dirigeants de notre pays. La guerre actuelle, comme le montrent les discours de Vladimir Poutine, est également menée sous la bannière des valeurs traditionnelles, proclamées par les idéologues du gouvernement, des valeurs que la Russie, tel un missionnaire, aurait décidé de promouvoir dans le monde entier en utilisant la violence contre celles et ceux qui refusent de les accepter ou qui ont d'autres opinions. Toute personne dotée d'esprit critique comprend bien que ces valeurs traditionnelles incluent l'inégalité de genre, l'exploitation des femmes et la répression d'État contre celles et ceux dont le mode de vie, l'identité et les agissements ne sont pas conformes aux normes patriarcales étroites. L'occupation d'un État voisin est justifiée par le désir de promouvoir ces normes si faussées et de poursuivre une libération démagogique. C'est une autre raison pour laquelle les féministes de toute la Russie doivent s'opposer à cette guerre de toutes leurs forces. Aujourd'hui, les féministes sont l'une des rares forces politiques actives en Russie. Pendant longtemps, les autorités russes ne nous ont pas perçus comme un mouvement politique dangereux et nous avons donc été temporairement moins touchés par la répression d'État que d'autres groupes politiques. Actuellement, plus de 45 organisations féministes différentes agissent dans tout le pays, de Kaliningrad à Vladivostok, de Rostov-sur-le-Don à Ulan-Ude et Mourmansk. Nous appelons les féministes et les groupes féministes de Russie à rejoindre la résistance féministe anti-guerre et à unir leurs forces pour s'opposer activement à la guerre et au gouvernement qui l'a déclenchée. Nous appelons également les féministes du monde entier à se joindre à notre résistance. Nous sommes nombreuses et ensemble nous pouvons faire beaucoup. Au cours des 10 dernières années, le mouvement féministe a acquis un énorme pouvoir médiatique et culturel. Il est temps de le transformer en pouvoir politique. Nous sommes l'opposition à la guerre, au patriarcat, à l'autoritarisme et au militarisme. Nous sommes l'avenir qui prévaudra. Liberté et démocratie pour les peuples d'Ukraine. Nous appelons les féministes du monde entier à rejoindre des manifestations pacifiques et à lancer des campagnes de terrain et en ligne contre la guerre en Ukraine et la dictature de Poutine en organisant vos propres actions. Et alors récemment, il y a eu un autre appel qui vient d'anarchistes italiens qui était titré « Sabotons la guerre, appel à une mobilisation internationale et internationaliste contre la guerre en Ukraine ». Je vais en lire quelques bouts. Il y a des bouts qui sont discutables, mais on peut lire ceci par exemple. Ça, en fait, lui aussi, il est manichéen, mais... On peut lire quelques bouts. Refusons d'être enrôlés sur un front quelconque, avec la conviction que la seule force qui peut arrêter la guerre est la mobilisation des exploités du monde entier. Pour nous, l'internationalisme signifie le défaitisme, c'est-à-dire la critique de tous les gouvernements, en commençant par le nôtre, entre guillemets. L'attaque contre tous les maîtres et bourgeoisies nationales, en commençant par ceux qui nous exploitent tous les jours. Ainsi, de ce côté-ci du front, donc là, c'est des personnes italiennes qui parlent. Nous voulons faire de notre mieux pour nous opposer à l'OTAN et la saboter, tout comme nos frères et sœurs en Russie luttent contre la machine de guerre de leur camp. Et tout comme d'autres frères et sœurs en Ukraine affrontent l'effort de guerre de leur gouvernement. Historiquement, le développement des technosciences conduit à la guerre, et inversement, la guerre implique inévitablement le développement des technosciences. On en parlera plus tard. La plupart des technologies actuelles sont intrinsèquement duales. La séparation entre recherche militaire et recherche civile, si elle a jamais existé, a aujourd'hui disparu. Il n'est donc pas surprenant que les technologies testées sur les champs de bataille soient ensuite utilisées contre les prolétaires dans d'autres parties du monde, y compris dans des pays en « paix », entre guillemets. L'utilisation et l'expérimentation de nouvelles technologies intensifient le contrôle sur les populations, rendant toujours plus difficile notre libération vis-à-vis de l'État et du capital. La fin de cet appel se termine comme ça. Soutenons la désertion sur tous les fronts, en offrant refuge et solidarité à tous ceux qui se soustraient à la conscription militaire et refusent de participer au massacre. Sabotons la machine militaire, bloquons la production d'armement et arrêtons les flux de logistique militaire. Démasquons la machine de propagande. Dans cette guerre hybride, les médias font partie intégrante de l'appareil de guerre. Opposons-nous à l'occupation militaire des territoires en nous confrontant aux bases militaires, aux manœuvres militaires, à la militarisation de la vie publique. Soutenons la nécessité d'une véritable grève générale qui, au-delà des aspects rituels et testimoniaux, stoppe concrètement l'industrie et la logistique des pays concernés. Démasquons la connivence de l'université et de la recherche avec l'appareil militaro-industriel et les intérêts économiques capitalistes à l'origine de toutes les guerres. Luttons pour transformer la guerre des patrons en guerre contre les patrons. Rome, le 2 septembre 2023. Collectif Marie Ride. Des barbelés à perte de vue, des champs de mines. Quelques pauvres types qui gardent avec quelques champs de ruines. C'est juste une ligne qui sépare la même tribu et assassine des nomades, une ligne pour amener un tribut. Quelques pillages, c'est 15 bornes de nanas sur le trottoir pour satisfaire les régions riches à quelques kilomètres d'écart. Une ligne qui tranche un territoire, une ligne qui perpétue la guerre dans les mémoires. C'est une mère et ses noyés, c'est marque à trous pour convoyer. C'est mort, rejeté sur le rivage, c'est le corps qui se sont pris un mur dans le virage. C'est la raison de vivre chaque état, motif de guerre et d'engagement de soldats. Des haines de peuples laissés en gage, les frontières en héritage sans cesse se répètent les mêmes années. De la Grèce au Sahraoui, la liste est un infini lignage. Repasse en boucle carnage. L'homme est son pire bourreau, son propre preneur d'otage. Frontière morale, mentale et intérieure. Frontière terrestre, rien de l'extérieur. Il est désarmé, marche pour répandre leur terreur. Dis-nous donc ce qu'on peut faire après 5000 ans d'erreur. Tout s'est tout élevé en masse sous des drapeaux de fureur. Dans la conscience de l'autre, dans des modèles formateurs. Comme des prisons de glace, leurs frontières sont des leurs. On fera pas partie de la force, on fera pas partie des leurs. Même si les frontières m'encerclent, je serai toujours un clandestin. Je n'en dirai pas de drapeau, je n'en éprouve pas le besoin. Au-delà de leurs barrières, mon regard se pose plus loin. Espérer qu'un jour il n'y ait plus de pays, plus de gouvernement, plus rien. Utopique, mais j'aime rêver à cela. De l'Europe au tropique, sans avoir besoin d'un visa. Le capital divise tout, c'est même son arme de combat. Multiplier les horreurs, c'est son gilet pare-balles. Tu vois tous les jours les mêmes guerres, pour les mêmes terres, les mêmes qui crèvent et les mêmes qui enterrent. Tout ça pour des aberrations géographiques. Découpé à la règle, un continent comme l'Afrique. Souvent pour du fric et du pouvoir. C'est vrai que c'est bien plus pratique de faire d'un pays un mouroir. Piller ses richesses, le cul dans son fauteuil sans se mouvoir. Et dire qu'on a fait tout ça sans le vouloir. Frontière morale, mentale et intérieure. Frontière terrestre, rien de l'extérieur. Il est désarmé, marche pour répandre leur terreur. Dis-nous donc ce qu'on peut faire après 5000 ans d'erreur. Tout s'est tout élevé en masse sous des drapeaux de fureur. Dans la conscience de l'autre, dans des modèles formateurs. Comme des prisons de glace, leurs frontières sont des leurs. On fera pas partie de la force, on fera pas partie des leurs. On est riche sans frontières en nous-mêmes. Faut pas s'étonner que les états fassent d'eux-mêmes. Cette haine humaine putréfie l'humanité du microcosme au macrocosme. Et il ne nous reste que des morts et des pleurs. Comme une osmose du malheur. Un champ de chrysanthème, un mur de béton armé. Trop de lignes de barbelés, on récolte ce qu'on sème. Toutes ces erreurs, agriculture, dictature. Mais dans nos cœurs ne coule aucun sang pur. Les charters séparent pour un papier ou un tampon les fils de leur mère, les filles de leur père. Car les états ne considèrent que la nation. Nationalisme, état de droit, douane ou fascisme, il n'y a qu'un pas. Et perpétuellement il remonte, les murs de la honte elles s'encoulent. Pas de happy end à la fin, se compte seulement des corps éteints sous la houle. Frontière morale, mentale et intérieure. Frontière terrestre, rien de l'extérieur. Élève des armées, marche pour répandre leur terreur. Dis-nous donc ce qu'on peut faire après 5000 ans d'erreur. Tout s'est tout élevé en masse sous des drapeaux de fureur. Dans la conscience de l'autre, dans des modèles formateurs. Comme des prisons de glace, leurs frontières sont des leurs. On fera pas partie de la force, on fera pas partie des leurs. Frontière morale, mentale et intérieure. Frontière terrestre, rien de l'extérieur. Il est désarmé, marche pour répandre leur terreur. Dis-nous donc ce qu'on peut faire après 5000 ans d'erreur. Tout s'est tout élevé en masse sous des drapeaux de fureur. Dans la conscience de l'autre, dans des modèles formateurs. Comme des prisons de glace, leurs frontières sont des leurs. On fera pas partie de la force, on fera pas partie des leurs. Militarisation de la vie publique, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre Estasia. Nous sommes en guerre contre Eurasia. Estasia a toujours été notre allié. Nous sommes en guerre. Et ouais, les anarchistes italiens, ils parlaient de militarisation de la vie publique. Alors, on n'a plus beaucoup de temps pour les actualités, mais on peut passer un petit extrait qui est de Prisca Tevno, secrétaire au SNU. Ça vous dit rien, le SNU, le Service National Universel? Il y a un petit extrait sonore et vidéo qui montre la même personne à un peu plus d'un mois d'intervalle dire deux choses opposées à propos du SNU, à savoir qu'il ne serait pas obligatoire, mais un peu obligatoire. On ne serait pas en guerre contre Estasia, mais un peu en guerre contre Estasia, un peu en guerre contre Eurasia. Et Estasia a toujours été nos alliés. Je vous passe cet extrait. Obligatoire. Alors on pourrait jouer sur les mots, devenir obligatoire, moi je fais quand même attention. Vous dites un passage républicain, si on est clair, c'est que vous voulez tendre vers... Une obligation qui sera une généralisation. Une obligation qui serait une généralisation. Mais un mois plus tôt, tu nous avais dit quoi? Vous voulez en faire un passage républicain pour toute une génération. Ça veut dire que le SNU va devenir obligatoire? Alors, on pourrait jouer sur les mots. Devenir obligatoire, moi, je fais quand même attention. Je pense qu'il faut déjà le généraliser en ayant une progressivité qui répond aussi aux attentes de nos jeunes et de leurs familles. Il n'y aurait rien de pire que de forcer un jeune à aller faire le service national universel. Ça serait, je pense, même contre-productif. L'enjeu, c'est de faire en sorte que ce service national universel devienne un passage républicain pour toute une génération. Vous dites un passage républicain, si on est clair, c'est que vous voulez tendre vers une obligation qui sera une généralisation. Et aujourd'hui, nous avons suffisamment de retours pour pouvoir poser le crayon, non pas pour faire un stop and go et dire que nous faisons un pas en arrière, au contraire, pour faire un pas de côté et regarder exactement comment travailler les modalités pour aller vers une généralisation. Il n'y aurait rien de pire que de forcer un jeune à aller faire le service national universel. Ça serait, je pense, même contre-productif. Mais... Alors, on comprend pas trop bien ce que vous vouliez dire, alors. L'obligation, il faudra en déterminer les modalités, une date précise, etc. Je sais qu'on parle beaucoup d'obligation, j'aimerais plutôt qu'on soit sur une explication. On nous dit en permanence que c'est simplement lever le drapeau et chanter la Marseillaise, ou alors une boum en fin de séjour. Oui, c'est ces deux moments-là, mais ce n'est pas que ça. Oui, c'est obligatoire, mais c'est pas obligatoire, c'est une généralisation, progressive et un pas de côté, surtout. Voilà ce que pouvait nous dire Prisca Thévenot le 20 septembre, c'est-à-dire il y a pas très longtemps, et avec d'autres extraits qui datent du mois d'août, c'est-à-dire il y a pas très longtemps non plus, où elle pensait pas la même chose, ou alors elle a fait un pas de côté elle aussi. Enfin, c'est peut-être du « en même temps ». Voilà. D'ailleurs, en parlant de « en même temps », on avait d'autres infos dans les actualités, notamment un article d'hier de Blast qui épingle encore une fois les deux entreprises franco-grenobloises Lynred et ST Microelectronics, qui bien sûr n'ont pas le droit de vendre des armes à la Russie, mais qui vendent donc des objets duo, des objets à finalité duale à d'autres États. Et du coup, en précisant que c'est pas pour faire la guerre, bien sûr, qu'on vend des composants électroniques, on les vend plus à la Russie, on les vend à, par exemple à Hong Kong, et après c'est la Russie qui l'achète, ou on les vend en Chine, et après c'est la Russie qui l'achète, ou on fait passer par des États, ou comme une entreprise israélienne, qui le vend après en Chine, et après c'est la Russie qui l'achète. C'est un long article détaillé qui parle des papiers de douane. Ils ont pu récupérer pas mal de papiers de douane et suivre un peu des composants électroniques à la fois de Lynred, donc qui est spécialisé dans la vision nocturne, et de ST Microelectronics, spécialisé dans les composants microélectroniques qui vont servir à faire les cerveaux entre guillemets des missiles, quoi, les cartes à puces des missiles russes qu'on va trouver en Ukraine, ou les cartes à puces des drones russes qu'on va trouver en Ukraine. Donc voilà, actualité assez explosive qui nous est livrée par le journal Blast, que vous pourrez consulter. C'est un article d'hier qui retrace un peu tous les composants qui ont été utilisés par la Russie, les composants français qui ont été utilisés par la Russie pour faire la guerre, quoi. Une autre actualité, d'ailleurs, on peut le voir en entrefilé dans l'article de Blast, c'est que Sébastien Lecornu s'est rendu en Ukraine le 29 septembre, c'est-à-dire il y a à peine quelques jours. Et pourquoi il s'est rendu en Ukraine? Pour recevoir à titre personnel une décoration de la part du président Zelensky. Et alors, c'est assez étonnant parce qu'il allait aussi à un forum d'armement. Pourquoi? Alors, l'article du Monde est titré « Les industriels français de l'armement cherchent à s'implanter en Ukraine ». Alors bon, c'est un titre un peu racoleur, puisque en le lisant, en fait, on s'aperçoit que oui, en fait, il y a un forum de l'armement. Alors on pouvait dire que la guerre en Ukraine était comme une sorte de salon de l'armement pour tous les industriels de l'armement occidentaux, pour montrer leurs jolis joujoux. Hein. On a entendu parler du canon Kaiser, dont les fûts sont fabriqués pas loin d'ici, chez Aubert et Duval. On a entendu parler de l'entreprise Arcus, qui fabrique les camions qui tiennent les canons Kaiser. Pareil, dont la production est en Rhône-Alpes aussi. Et voilà, en fait, les gros industriels commencent à réfléchir à s'installer en Ukraine. Alors bon, non, c'est un peu plus nuancé que ça. Parce que les gros industriels, ils n'ont pas envie de perdre leur savoir-faire. Et puis aussi, ils se demandent, ils se disent, bon, c'est bien beau, on fait des cadeaux à l'Ukraine et tout, mais qui c'est qui va nous payer ? Alors bon, on attend que l'État débloque encore des fonds pour nous payer à nous, les industriels. Mais après, il y a des petites entreprises qui disent, ah, mais nous, on nous file un hangar et puis on fabrique des drones directement en Ukraine. Hein. Et en fait, elles lorgnent, bien sûr, sur les dividendes de la guerre, quoi. Voilà, donc ça c'est un article qui date du 29 septembre, qui est à consulter sur le site du Monde. Je rappelle l'article de Blast du 3 octobre. On a parlé du SNU, peut-être plus localement. Une petite dépêche AFP qui nous parle de Vernet Caron. Qui nous parle de Vernet Caron qui signe un accord exclusif avec Rivolier, une autre boîte ligérienne. Alors là je vous renvoie au site lenumero0.info. Qui nous en parlait de Rivolier, c'était entre autres eux avec Alcetex qui avaient décroché un appel d'offres pour fabriquer des LBD, des lanceurs de balles de défense. Ces lanceurs qui ont éborgné pas mal de monde depuis des années. Voilà, Vernet Caron avait loupé le coche en 2018-2019 à l'époque de cet appel d'offres. Mais là, en fait, ils font une alliance Vernet Caron-Rivolier pour faire des armes de chasse, ce qui leur permet après de se concentrer sur l'industrie de la défense, c'est-à-dire de l'armée, de la guerre. Voilà, bravo Synthé, va bientôt se distinguer dans la production, mais déjà, d'ailleurs elle se distingue déjà dans la production d'armes, de désastres, de massacres. Allez, on passe un dernier morceau. Ah oui, c'est la fin de l'émission. Eh ben, vous étiez en train d'écouter l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste. Tous les premiers mercredis du mois à 17h, vous pouvez écrire à j'irai pas tout attaché @riseup.net. Vous êtes sur le 89.5 de Dio. Je voulais vous parler d'un bouquin qui s'appelle Propagande de guerre de Anne Morelli. Peut-être que je vais vous lire les dix principes élémentaires de propagande de guerre. Dans le petit bouquin, on en a déjà parlé un petit peu. Enfin, on n'a pas parlé du bouquin, mais vous allez voir. Alors, les 10 principes de propagande de guerre. Le premier, c'est nous ne voulons pas la guerre, bien sûr. Avant de la faire, il faut toujours dire qu'on ne veut pas la faire. Le deuxième, c'est le camp adverse est seul responsable de la guerre. Puis, l'ennemi a le visage du diable. C'est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers. L'ennemi provoque sciemment des atrocités. Si nous commettons des bavures, c'est involontairement. L'ennemi utilise des armes non autorisées. Nous subissons très peu de pertes. Les pertes de l'ennemi sont énormes. Les artistes et intellectuels soutiennent notre cause. Notre cause a d'ailleurs un caractère sacré. Et ceux qui mettent en doute la propagande sont des traîtres. Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu